طيب إن شاء الله وكمانس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 86 dans le livre Al-Kaba'ir, écrit par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc le chapitre qu'on va lire en premier aujourd'hui, c'est Babun an-nahyu an talabiha. Babun an-nahyu an talabiha, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'interdiction de la demander. Hein? De la demander quoi? C'est de la demander par rapport au chapitre précédent, c'est-à-dire Babul wilayat min al-amana. Donc ça a rapport avec quoi? Avec les postes ou les fonctions de gouvernance. Donc l'interdiction de la demander ou de la chercher, c'est-à-dire de chercher le poste ou la fonction de dirigeance ou de gouvernance. Ça veut dire que dans l'islam, on n'a pas le droit de chercher à obtenir une fonction de gouverneur ou de demander à se faire placé comme gouverneur. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas permis. C'est le contraire total du système de la démocratie. Dans la démocratie, il faut que tu te présentes. Il faut que tu te vantes toi-même. Il faut que tu dises qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'être gouverneur. Donc tu vas commencer à mentionner tes réussites, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as. Dans l'islam, non. On doit te choisir, c'est pas toi qui dois demander. D'accord? Et le cheikh, il explique ça en mentionnant deux hadiths. Le premier hadith, il dit An Abdurrahman ibn Samura, radiallahu anhu marfu'an, La tas'al al-imara. فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك أخرجاه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdurrahman ibn Samura, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne demande pas la gouvernance, parce que si on te la donne sans que tu la demandes, tu seras aidé. Mais si tu la prends si on te la donne parce que tu as demandé, eh bien tu vas être laissé à celle-ci, c'est-à-dire tu vas être abandonné à celle-ci. Vous comprenez? Donc, si tu fais un serment, là il parle d'un autre sujet maintenant, dans le même hadith il y a un autre sujet, c'est, et si maintenant tu fais un serment, tu as fait un serment, puis que tu vois par la suite qu'il y a un autre serment qui est meilleur que celui que tu as fait, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? tu expies, tu fais l'expiation pour ton serment, puis tu fais celui qui est meilleur. Hein? On va donner des exemples dans qu'est-ce que le cheikh va expliquer à ce sujet-là par la suite. Ensuite, il dit wali muslimin an abi dharr radiyallahu anhu qultu ya rasul allah ala tastamilni fadaraba bi yadihi ala mankibihi thumma qala ya aba dharr inni araka da'ifan wa innaha amanah wa innaha yawm alqiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا. Ça, c'est qu'est-ce que ça dit? Ça dit que il est rapporté par l'imam muslim selon Abi Dharr radiallahu anhu qui dit: ô messager d'Allah, pourquoi tu ne m'emploies pas? Et quand il dit pourquoi tu ne m'emploies pas, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire pourquoi tu ne m'emploies pas pour une fonction de gouvernance ou pour une fonction yani, qui est reliée à yani, un poste de responsabilité. C'est ça ce que ça signifie. Alors, il l'a frappé avec sa main sur son épaule, comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, « Oh Abi Dharr, je te vois faible. » Et c'est une amana, hein, c'est un dépôt, c'est une responsabilité. Et au jour de la résurrection, ce sera une humiliation et des remords, excepté pour celui qui l'a pris avec justice, par son droit, et qui a rendu hein, le dépôt qui lui est dû. Ça veut dire que c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile. Et si quelqu'un il a une faiblesse, s'il est faible dans sa personnalité ou bien dans ce, tu vois, il n'est pas assez solide pour le poste, il risque de ne pas être capable de prendre cette responsabilité comme il faut. Et au jour de la résurrection, ça va être sa perte. Donc, le cheikh, il explique. Il dit, « هذا العنوان معناه النهي عن طلب الولاية والوظيفة لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الآيات. » ويدخل في هذه يدخل في هذا الإمارة والقضاء والوظائف على مختلف أنواعها. يطلبون الولايات يعني هذا هو المقصود يعني ليس يطلبون الآيات لعل هذا خطأ يعني من الطبعة يعني peut-être c'est une erreur d'imprimerie ici donc il dit يطلبون الآيات mais c'est الولايات. الله أعلم. Donc, on va mettre un point d'interrogation ici. Bon, le sujet de ce chapitre, le cheikh il dit, ça veut dire l'interdiction de demander الولاية. الولاية c'est la gouvernance, mais c'est pas seulement la gouvernance, hein, c'est aussi un poste quelconque qui est relié au gouvernement ou à la gouvernance. Ou bien un poste qui est relié à la, comme ils disent, la magistrature ou des choses comme ça, de demander d'être juge, de demander d'être imam, de demander d'être qadi, d'être juge, ou des choses de ce genre. N'importe quel poste dans lequel il y a une responsabilité dans le gouvernement ou dans l'État, ou il y a une chose quelconque de ce genre. Et donc, le cheikh dit, la plupart des gens aujourd'hui, ils demandent ça. Hein? Et donc, ça inclut la gouvernance, le fait de demander d'être juge, le fait de demander d'avoir un poste ou une fonction, d'être un fonctionnaire, peu importe la différente sorte ou la différente forme. Il dit, لِأَنَّ مَنْ حَرِصَ عَلَى طَلَبِهَا فَإِنَّهُ لَا يُعَانَ عَلَيْهَا. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait des efforts pour demander ce poste, pour l'obtenir ce poste, une fois qu'on lui donne, s'il a de la difficulté, qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est toi qui as demandé ce poste. C'est toi qui as fait des efforts, qui a couru pour la voie. Maintenant que tu l'as, tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas capable de remplir ton devoir, tu veux qu'on t'aide, alors pourquoi tu l'as demandé en premier lieu? Hein? Donc les gens ne vont pas vouloir l'aider. parce que c'est lui-même qui a couru derrière ce poste, c'est lui qui a demandé qu'on lui donne, et il a tout fait pour l'avoir. Et par la suite, il a des manquements. Donc quand il a des problèmes ou des manquements où il ne fait pas bien son travail, il va être blâmé, il va être critiqué. Les gens ne vont pas l'aider, ne vont pas le supporter, parce qu'ils vont dire c'est lui qui a couru après, comme on dit. Hein? Donc il dit « وَمَنْ اِبْتُلِيَ بِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْقِيَامِ » Tandis que celui qui a été éprouvé par le fait qu'on lui a offert ce poste et qu'on lui a donné cette responsabilité-là sans qu'il la demande, hein, là il va dire hein, « j'ai de la difficulté à faire ce poste, j'ai de la difficulté à remplir cette responsabilité-là ». Et les gens vont dire « mais t'inquiète pas, on va t'aider ». Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui l'a demandé. Et non seulement les gens vont vouloir l'aider, hein, déjà en premier, Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui-même il va l'aider à faire qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Allah il va le supporter, il va lui donner son aide. Le cheikh il mentionne le hadith ensuite de Abdurrahman qu'on a lu. Abdurrahman ibn Samura, il dit la tas'alu al-imara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne demande pas al-imara. Fihi mas'alatan. Il y a deux points dans ce hadith là. Le premier al-mas'alatu al-ula النهي عن السعي لتولي الإمارة سواء كانت إمارة عامة أو خاصة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن فقال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم أن لا يسألها لأنه في عافية لأنه في في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها فإذا لم يقم بها صارت عليه حسرة وندامة ثم قال له صلى الله عليه وسلم وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها لأن من طلبها فإن الله يكله لجهده ولا يعينه عليها وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمر ومن ابتلي بها من غير طلب منه من غير طلب منه لها أعانه الله على القيام بها. Donc le cheikh il dit la première question c'est l'interdiction de s'efforcer à vouloir obtenir ce poste de dirigeance et de gouvernance ou une fonction quelconque, que ce soit une fonction générale ou une fonction particulière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc à Abdurrahman de le demander. Il a dit ne demande pas la gouvernance, parce que si on te la donne sans que tu demandes, on va t'aider à l'accomplir. Et donc ça veut dire que le musulman il ne doit pas la demander, parce que du moment qu'il n'a pas cette responsabilité là, il est épargné, il est épargné, et il ne peut pas garantir pour lui-même que si il prend cette responsabilité-là, il va être capable de l'accomplir comme il faut. Et s'il ne l'accomplit pas comme il faut, ça va être des regrets et des remords pour lui au jour de la résurrection. Il va dire, si seulement je ne m'étais pas mis dans ce problème-là. J'étais en paix, il n'y avait pas de responsabilité, je n'avais pas de difficulté. Et là, je me suis mis moi-même dans cette situation-là. Et maintenant, regarde ma situation, j'ai des regrets et des remords parce que je n'ai pas fait mon travail comme il faut. Et donc, au jour de la résurrection, qu'est-ce qui va arriver ? Des regrets. Des fois, les gens, c'est comme ça. Vous voyez que, par exemple, surtout, on voit ça dans la politique actuelle, surtout dans la démocratie, il y en a des partis qui gagnent jamais dans les élections, ou bien qui gagnent pas souvent dans les élections. Et ça, on dit que c'est les partis d'opposition. Okay? Eux, la seule chose qu'ils savent faire, c'est critiquer le parti qui a gagné les élections. Donc, chaque fois que le parti qui a gagné, il fait pas quelque chose comme il faut, ou il manque à une promesse, ou il fait pas quelque chose correct, ou il se trompe, alors eux, ils sont les premiers à attaquer, à envoyer des flèches pour dire « Ah, vous n'avez pas fait ça, vous avez fait ça alors que vous aviez dit que vous n'alliez pas le faire, vous n'avez pas rempli votre promesse, vous n'avez pas fait ci et ça. » Et donc, ils sont forts pour critiquer, pour accuser, pour attaquer. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent que ce soit eux les dirigeants et ils veulent critiquer ceux qui sont présentement au pouvoir pour pointer du doigt chaque fois qu'ils voient des fautes. Le problème, c'est quoi? C'est que le jour où eux, ils gagnent les élections, ils deviennent maintenant ceux qui ont le pouvoir, là, tout ce qu'ils critiquaient les autres d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, maintenant, c'est eux qui sont encore pires. C'est-à-dire, non, ils ne font pas ce qu'ils promettent et tout ce qu'ils disaient qu'ils n'allaient pas faire ou qu'ils allaient changer, ils ne le changent pas, ils ne le font pas et ils font des bêtises même plus grandes et plus graves que ceux qui étaient là avant eux. Donc, après, les gens disent, ben, vous étiez en train de critiquer et vous étiez en train de dire ci et ça. Maintenant, on vous a donné le vote, on vous a donné le pouvoir et regardez maintenant qu'est-ce que vous faites. Vous êtes plus mauvais que les autres que vous critiquiez auparavant. Donc, souvent, c'est comme ça. Et donc, c'est pour dire, lorsque quelqu'un il cherche quelque chose, hein, il n'est pas aidé dans qu'est-ce qu'il fait. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et si on vous le donne sans que vous l'ayez demandé, eh bien, il dit, parce que dans ce cas-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'aider, hein, et qui va le supporter. Mais celui qui demande, Allah, il ne l'aide pas. Il le laisse avec son effort personnel. Et il ne le supporte pas, il ne l'aide pas. Et donc, il y a dans ça une menace pour celui qui s'efforce à essayer de se mettre sur le dos ce genre de responsabilité, et celui par contre qui a été éprouvé par cette responsabilité-là sans la chercher, Allah subhanahu wa ta'ala lui va l'aider à remplir sa responsabilité et à la faire correctement. Al-mas'alatu thaniya, le deuxième point qu'on peut tirer dans ce hadith-là, il dit وتتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. Ça, c'est l'autre partie du hadith. C'est-à-dire que si tu fais un serment que tu vas faire quelque chose, hein, et tu vois par la suite que toi tu avais fait ce serment, mais tu vois un meilleur serment que celui-là après. Alors dans ce cas-là, annule ton premier serment et fais-en un nouveau. Et puis tu fais l'expiation pour le serment que tu avais fait en premier. Donc, le cheikh va donner des exemples. Il dit كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَتَصَدَّقْ مَثَلًا وَلَا شَكَّ أَنَّ الصَّدَقَ خَيْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَتَصَدَّقْ قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Donc ça c'est le cheikh, il dit que par exemple si quelqu'un il a juré qu'il va pas donner sadaqa, donc il dit par exemple moi je jure là je vais pas donner sadaqa, je veux pas faire la charité, je veux pas donner l'aumône aux pauvres, puis il n'y a pas de doute que de donner la sadaqa, c'est quelque chose de bien, hein? C'est quelque chose de bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il brise son serment, hein? Et il donne en sadaqa. Et il mentionne, le cheikh, le verset 224 dans Surat al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « et n'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dissiper de faire le bien, d'être pieux ou de réconcilier les gens. » Et Allah est audient et omniscient. Et il y a l'histoire à ce sujet-là, c'est lorsque il y a eu l'histoire du mensonge qui a été inventé contre Aïcha, radiallahu anha, la fois qu'elle était partie en voyage, puis que la caravane est partie, puis elle s'était endormie, puis elle n'était pas à l'intérieur de sa monture, et les gens n'avaient pas remarqué. Donc quand ils sont partis, ils l'ont laissé derrière. Donc elle, quand elle a vu ça, quand elle s'est réveillée, elle a constaté qu'elle avait été abandonnée. Donc elle est restée là à attendre. Puis il y a toujours quelqu'un qui, dans les caravanes, habituellement reste derrière pour être sûr que personne n'a rien oublié, personne n'a rien perdu, et ainsi de suite. Et il a vu Aïcha radiallahu anha qui était restée derrière, donc il l'a pris, il l'a ramené avec lui vers la caravane. Là, les munafiqin, les hypocrites ont commencé à inventer des mensonges contre Aïcha radiallahu anha, Et parmi ceux qui ont inventé ce mensonge-là ou qui ont propagé ce mensonge, il y avait une personne qui était un des proches de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Puis Abu Bakr al-Siddiq, c'était un homme commerçant, et il avait de l'argent, donc lui il lui donnait de l'argent, il s'occupait de lui financièrement, c'est lui qui l'aidait, qui lui donnait qu'est-ce qu'il avait de besoin comme argent. Alors quand il a su que celui-là parlait contre sa fille et avait propagé des mensonges contre sa fille, alors il a dit par Allah je ne veux plus l'aider. Et je crois que c'est à cause de ça justement que le verset avait été révélé, et n'usez pas au nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien et d'être pieux et de réconcilier les gens, et Allah est audient et omniscient. Et par la suite il est revenu sur sa parole, et je ne sais pas si c'est ce verset là par rapport à ça ou bien si c'est l'autre verset qui est dans Surat An-Nur, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit n'aimeriez-vous pas que Allah vous pardonne, et Abu Bakr radiallahu anhu a dit oui, j'aimerais qu'on me pardonne, puis il a repris, il est revenu sur sa parole. Donc je crois que c'est soit celui-là ou l'autre, mais dans les deux cas, yani, c'est quelque chose dans ce genre-là, que, dans ce sens-là, qui fait que tu ne dois pas jurer de ne pas faire le bien. Tu ne dois pas jurer de ne pas faire le bien. Si tu avais juré que tu n'allais pas faire un bien quelconque à quelqu'un, eh bien, dans ce cas-là, c'est mieux de briser cet engagement ou ce serment-là et yani, de faire l'expiation pour avoir fait ce serment-là par la suite et de faire le bien. Donc il dit فَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْوِتْرِ أَوْ التَّرَوِيحِ أَوْ لَا يُصَلِّي رَحِمَهُ أَوْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ فَإِنَّهُ يُكَفِّرْ وَيَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَفْعَلْ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ ثُمَّ يُكَفِّرْ لِقَوْلِهِ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْكَفَّارَةَ ثُمَّ يَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَفْظُ حَدِيثِ الْبَابِ فَأْتِي الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ يدل على أنه يفعل ما حلف على تركه ثم يكفر فيكون مخيرا بين هذا وهذا. C'est-à-dire que la kafara pour le yamin, c'est de jeûner, il va jeûner 3 jours pour avoir brisé son serment. Donc le cheikh il dit, si par exemple quelqu'un il a juré qu'il ne va pas prier l'witr, ou bien qu'il ne va pas faire le tarawih, ou bien qu'il ne va pas garder les liens de parenté, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il brise son serment et il fait qu'est-ce qui est mieux. Il fait ce qu'il avait juré de ne pas faire. Puis il fait l'expiation. Il va jeûner 3 jours pour expier ce serment qu'il a brisé. Il dit li qawlihi fa kaffir, donc parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit brise ton engagement et fais qu'est-ce qui est mieux, et je fais le jeûne, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et fais l'expiation. Il va donc jeûner 3 jours. Donc ça c'est la preuve que il dit fadalla hadha ala anna alayhi an yuqaddima al-kaffara thumma ya'ti alladhi huwa khair. Donc tu fais l'expiation puis tu fais ce qui est mieux par la suite. Wa lafdhu hadith al-bab, donc dans le hadith en question, c'était écrit « Fais ce qui est mieux, puis fais l'expiation. » Donc, ça c'est la preuve qu'il fait ce qu'il a juré d'abandonner, puis ensuite il fait l'expiation pour ça. Donc ça c'est mieux. D'accord. « Fayakunu mukhayyaran bayna hadha wa hadha. » Donc, il a le choix entre les deux. Soit d'expier en premier puis de faire la chose, ou de faire la chose puis d'expier par la suite. Naam. Il doit faire l'expiation. Ouais. Ouais. Ça, c'est parce que, en fait, C'est parce que ça, non, mais je veux dire que ça dépend aussi si il a rattaché son serment à une condition, comme par exemple il a, s'il a fait un vœu ou s'il a juré que, par exemple il a dit je jure que je vais pas fumer, et si je fume je dois donner par exemple 100 dollars en sadaqa à chaque fois, tu vois. Mais s'il n'a pas dit ça, s'il a juste dit je jure que je ne vais pas fumer, puis qu'il fume, dans ce cas-là il doit faire l'expiation et c'est de jeûner 3 jours. Mais si par exemple il peut nourrir 10 pauvres ou bien les vêtir, comme c'est mentionné dans le verset, فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَمُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, ou de libérer un esclave. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, s'il n'est pas capable, alors il va jeûner pendant 3 jours. D'accord, comme c'est dans sourate Al-Ma'ida. Et le cheikh il dit, وقول أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني طلب فيه للولاية, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاله وبأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام لضعفه ضرب على كتفه مطيبا لخاطره وقال له إني أراك ضعيفا, فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من توليته لضعفه, ولهذا فقد وقره ورحمه من أجل أن يسلم من تبعاتها, فقال له إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة, فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها عنه لا لنقص في دينه وعلمه ولكن لأنه ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية, ودل ذلك على أن الوالي لا بد أن يتوفر فيه القوة والأمانة, لأن إن خير من استأجرت القوي الأمين, إن خير من استأجرت القوي الأمين. Donc le cheikh il dit que Abu Dhar, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi tu ne m'emploies pas, c'est-à-dire il lui demande un poste de gouvernance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaît son état et il sait que Abu Dhar il n'est pas capable de faire cette tâche-là à cause de sa faiblesse, hein? Parce que il y a des postes de responsabilité comme ça, il faut être fort dedans. Si quelqu'un il n'est pas fort, hein, il va pas être capable de remplir comme il faut sa tâche. Donc il l'a frappé sur son épaule, hein, pour le réconforter, puis pour lui dire en même temps je te vois faible, tu peux pas faire cette responsabilité-là. Donc il lui dit ça pourquoi? Pas parce que il a un problème dans sa religion, ou bien parce que il a un problème dans sa connaissance. Non. Si c'était ça, il pouvait le faire. Mais il a un problème, c'est le fait qu'il est faible. Peut-être qu'il est faible physiquement. Peut-être qu'il est faible d'une autre façon. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'il n'a pas la qualité nécessaire pour remplir cette tâche-là. Alors, la raison pourquoi il veut du bien pour lui, et il sait que s'il prend cette responsabilité là ça va avoir des conséquences néfastes pour lui par la suite. Donc il lui a dit tu es faible et c'est une responsabilité, et au jour de la résurrection ce sera une source d'humiliation et de remords. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a empêché, pas à cause d'un manque dans sa religion ou dans sa connaissance, mais plutôt parce qu'il est faible et il ne pourra pas donc remplir ces tâches-là et cette responsabilité correctement. Et ça, c'est la preuve que le wali, le dirigeant, il doit avoir deux qualités principales en lui, c'est la force et la confiance, être de confiance, être honnête et fort. Salam alaikum. Donc il dit le cheikh, comme c'est mentionné dans le verset 66 dans sourate Al-Qasas, c'est 26. Donc sourate Al-Qasas, le verset 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à propos de justement c'est relié au sujet qu'on est en train de lire, c'est à propos de Moussa alayhi salam. Lorsque il a aidé une des deux jeunes filles de l'homme qui de Madian, quand il est allé à Madian après s'être échappé et s'être enfui d'Égypte après avoir tué quelqu'un accidentellement, il est parti, puis il a trouvé des femmes qui avaient besoin d'aide, donc il les a aidées à abreuver les bêtes. Puis par la suite, donc le père a offert une de ses filles justement à Moussa alayhi salam. Puis une des filles, c'est ça, donc le père il l'a engagé pour faire un travail. Puis dans le verset 26, l'une d'elles dit: « Ô mon père, engage-le à ton service, moyennant un salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Donc le cheikh, il mentionne ce verset-là pour établir la preuve que ces deux qualités-là sont nécessaires pour celui qui va prendre une responsabilité. C'est d'avoir de la force et d'avoir d'être digne de confiance. Et il complète cela en disant watatimma, il dit qala ba'd al-ulama annahu yajuzu liman ya'nas fi nafsihi al-kafa'ata an yataqaddama li talab al-mansib ad-dini idha khashiya an yudayya li'adam man yaqumu bihi 'ala al-wajhi al-matlub اخذا من قول يوسف عليه السلام للملك او للملك اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. Par contre, il y a une exception à ça que le cheikh ici il vient de mentionner, c'est dans le cas de la position religieuse. Par exemple, lorsque il y a un poste religieux qui nécessite d'être comblé, puis qu'on craint que si on ne le remplit pas, que yani, il va pas être pris correctement par quelqu'un qui a les qualités nécessaires. Donc dans ce cas-là, c'est permis de le demander. Et il se base sur le verset 55 dans sourate Yusuf alayhi salam, lorsqu'il dit, et Yusuf dit: assigne-moi le dépôt du territoire, je suis un bon gardien et connaisseur. Donc il a demandé dans ce cas-là lui-même que le roi lui donne ce poste pour s'occuper de la gestion des récoltes et du grain et des choses comme ça, pour planifier comme il faut pendant la pénurie, pendant la famine et ainsi de suite. Stratégie, donc c'est ça. Donc c'est pour dire que dans certains cas, ça peut être permis lorsque on craint qu'il n'y ait pas d'autres personnes aptes à remplir cette responsabilité-là correctement. Donc dans ce cas-là, c'est permis de le demander par rapport à ce verset-là dans Surat Yusuf, alayhi salam, le verset 55. Le chapitre suivant, babun man jaa fi ma jaa fi ghish ar-ra'iyya ma jaa fi ghish ar-ra'iyya. Naam. Oui. Cheikh Al-Fawzan, lui, il dit même que ça s'applique même dans les emplois même. Que quelqu'un ne devrait pas même demander un emploi comme ça se fait aujourd'hui dans les fonctions publiques ou autres, que les gens ils amènent leur CV puis ils vont se vendre. C'est ça ce qu'on te dit même. Quand tu vas dans une demande d'emploi ou dans une offre d'emploi, il faut que tu te vendes. C'est-à-dire, il faut que tu dises tes qualités. Oui, je suis capable, je suis fort, je suis le meilleur. Vendre. Tu dois te vendre. C'est ça ce qu'ils disent. Dans les offres d'emploi, quand tu vas aller chercher un emploi dans une compagnie, les gens qui donnent des conseils pour obtenir le travail en question, ils disent aux gens, si tu veux aller faire application, tu vas aller dans un entretien ou une entrevue pour un poste, tu dois te vendre, te mettre en valeur, tu vois, pour dire à l'employé pour quelle raison il doit t'engager. Donc il faut que tu dises tes qualités, que tu dises tout ce que tu fais de bien. Et oui, c'est ça que Cheikh Al-Fawzan il disait. Ça c'est dans le, il faisait le dars dans un dars de fiqh, il parlait de ce sujet-là et justement il disait aux jeunes d'aller dans le commerce plutôt que d'aller dans ces postes-là parce que sinon tu es obligé de rentrer dans ce genre de choses. Mais ça fait longtemps que j'ai écouté ce dars, donc je me rappelle plus exactement c'était dans quel chapitre. Mais je me rappelle de ça, et yani, subhanallah, ça m'avait frappé, parce qu'effectivement, la société actuelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Maintenant, tout le monde, c'est comme ça. Pour avoir un job, il faut que tu commences à mentionner tout ce que tu as fait, tes qualités, tes ci et ça, même si des fois, c'est pas vrai. Hein? Et même eux, ils ont l'habitude de mentir dans ces choses-là. Allah al-Musta'an. Pourquoi tu vas mentionner toutes tes qualités, hein? Puis des fois ils te demandent des questions, des fois c'est comme presque évident. Pourquoi tu veux travailler pour nous? Pourquoi tu as choisi cette compagnie? Pourquoi tu as signé ça? En tout cas, ça c'est un autre sujet. Babun ma ja'a fi rish ar-ra'iyya. Le cheikh il dit, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de tricher les gens qui sont sous ta responsabilité ou qui sont tes sujets ou ta population. On va expliquer. Ar-ra'iyya c'est qui? Ar-ra'iyya c'est la population en fait. C'est les gens qui sont sous la responsabilité du dirigeant. C'est les gens que le dirigeant dirige. C'est la population, c'est le peuple. Donc on ne doit pas trahir ou tricher la population ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit ici wa ma'qil ibn Yasar an ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu marfu'an ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه البخاري ومسلم. Donc ça c'est un hadith, hein? Il y a beaucoup de hadiths comme ça, mais ça c'est un hadith vraiment qui fait peur, franchement, quand tu lis ça. Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la responsabilité de gens, hein, de certaines personnes. Il a la responsabilité d'eux et de s'occuper d'eux. Puis il meurt et que le jour qu'il meurt, il a trahi, hein, les gens qui étaient sous sa charge, excepté que Allah va lui interdire le paradis. Hein? S'il meurt dans cet état qu'il trichait la population ou les gens qui étaient sous sa responsabilité, il va être interdit du paradis. Et dans une autre narration, il dit wa fi riwaya falam yuhitha bi nasihatihi illa lam yajid ra'ihat al-janna akhrajahu. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre narration, il dit et qu'il, c'est-à-dire il a pris cette responsabilité que Allah lui a donnée et il ne l'a pas fait avec sincérité, excepté qu'il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Ça c'est l'autre narration. Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit wa qawluhu babu ma ja'a fi rish ar-ra'iyya ay rish al-wali li ra'iyatihi ay walin wilayatan 'amma aw khassa. Donc, que ce soit le fait d'être responsable et d'avoir une position de responsabilité qui est générale ou particulière. Comme par exemple, général, c'est celui qui est le chef d'un pays, le chef d'un État. Il a une responsabilité générale et particulière, celui qui est chef d'une compagnie ou d'une entreprise ou d'une maison, le chef de la famille, le père, et ainsi de suite. Il a des gens sous sa responsabilité. Et il dit Al-Rishwa ضد النصح. Donc, Al-Rish en arabe, c'est le contraire de Al-Nusr. Al-Nusr, c'est la sincérité, c'est la franchise, c'est l'honnêteté. Al-Rish, c'est le contraire de ça. Hein? Donc, c'est le fait de tricher, de trahir, de mentir, de... Non, Rishwa, c'est pas la même chose que Rish. Al-Rish, c'est de tricher. Mais Al-Rishwa, c'est les pots de vin. Eh, non. Donc, Al-Rish, did, hein? En français, riche, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, ça vient pas de là. Non, ça vient pas de là. En français, on dit riche. Riche, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup d'argent. En arabe, riche, ça veut dire tricher. Hein? C'est ça que ça veut dire. Allah al-Musta'an. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Allahu a'lam. Je crois pas, mais bon. Ouais, richwa. Richwa, c'est pas loin. Oui, c'est ça. C'est vrai, comme tu dis. Il y en a beaucoup de riches qui font du riche. Et malheureusement, Allah al-Musta'an. Mais c'est pas la règle absolue. C'est pas pour tout le monde. Mais il y a beaucoup, malheureusement, c'est vrai, de cas où certains ils ont de l'argent, mais ils ont triché pour avoir cet argent-là parfois. Nasallallahu al-afiyah. Donc le Cheikh il dit falam yaqum bima wajaba laha min ar-ri'aya. Donc il dit qad jaa al-wa'id ash-shadid lil-wali idha ghashsha ra'iyatahu falam yaqum bima wajaba laha min ar-ri'aya. Ra'iya, ça vient de quand tu dis le mot ra'in, ra' c'est le berger. Et Ar-Ra'iyya, c'est ceux qui est sous ta charge, que tu les gardes. C'est toi leur gardien. Tu es leur berger. D'accord? Donc, Ar-Ra'iyya, c'est ceux qui sont sous ta responsabilité. Le prophète, dans un autre hadith, il dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatihi. C'est-à-dire, vous êtes tous des bergers et chacun d'entre vous est responsable de ceux qui sont sous sa responsabilité, sous sa charge. Et après, il donne l'exemple. Le chef de la famille est responsable de sa maison. La femme est responsable de ceux qui sont sous sa charge à la maison. Et le chef de l'État, il est responsable de ceux qui sont sous sa charge, hein, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que mas'oul en arabe, et ça, il y a un lien, et même en anglais, je pense qu'en français, il y a un lien aussi, c'est qu'en arabe, mas'oul, ça vient de la racine sa'ala. Hein? Sa'ala et mas'oul, c'est la forme en arabe qu'on dit de l'objet, mas'oul. Hein? Mas'oul et la forme, le sujet, c'est sa'il. Sa'il, c'est celui qui demande. Mas'oul, c'est celui à qui on demande. Donc, quand tu dis mas'ouliya en arabe, mas'ouliya, ça veut dire responsabilité. Responsabilité, en français, ça veut dire responsable, ça, il y a le sens de répondre. Hein? Même en anglais, tu dis responsible, ça, response. Ça veut dire que tu vas avoir à répondre, hein, de ça. Donc, la responsabilité, c'est la chose au sujet de laquelle tu vas avoir à répondre et à rendre des comptes. C'est ça la responsabilité. Et il y a ce sens-là en arabe quand tu dis mas'oul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. C'est-à-dire, vous êtes tous un berger et chacun d'entre vous, vous allez être questionné et vous allez avoir à répondre au sujet de ceux qui sont sous votre responsabilité. D'accord? Donc, il y a ce sens-là. Dans le sens que, au jour de la résurrection, Allah il va te demander sur ça. Et des fois, c'est même dans cette dunya que tu es questionné. Tu es questionné par ceux qui te demandent des comptes dans cette vie. Eh oui, parce que tu as des patrons, tu as des gens qui sont au-dessus de toi. Si tu ne fais pas ton travail comme il faut, ils vont te poser des questions. Hein? Comment ça se fait que tu n'as pas fait ça? Comment ça se fait que tu as fait ça? Donc ça, tout ça, ça a un lien. Et donc il dit, le cheikh, qu'il y a la menace sévère pour celui qui est responsable lorsqu'il triche et qu'il n'est pas honnête envers ceux qui sont sous sa charge et qu'il n'a pas fait ce qui est obligatoire pour lui vis-à-vis de ceux qui sont sous sa responsabilité. Et donc il dit qu'il y a là-dedans la preuve que cela fait partie des grands péchés d'agir, de tricher et de trahir. فإن الواجب على الوالي أن يهتم برعيته كما يجب على الرعية أن تنصح للوالي وتكون النصيحة متبادلة. Le cheikh explique que l'obligation pour le responsable, pour le dirigeant, c'est de s'occuper correctement de ceux qui sont sous sa charge. Et il est obligatoire pour ceux qui sont les sujets ou qui font partie des personnes qui sont sous la charge du responsable, d'être sincère envers celui qui est responsable, d'être sincère envers lui, de lui donner le bon conseil, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans l'islam, la façon dont on regarde le poste de responsabilité, c'est pas quelque chose qu'on regarde comme étant un privilège ou comme étant quelque chose de qui nous donne un profit ou qu'on en tire on en tire un profit quelconque ou un bien quelconque. Non, c'est le contraire. Celui qui a un poste de responsabilité, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui va faire en sorte que c'est lui qui va devoir donner de sa personne, donner de son temps, donner de ce qu'il a pour arriver à satisfaire et aider et protéger et défendre ceux qui sont sous sa responsabilité. Donc c'est pas juste une affaire de profiter des autres ou de dire c'est quelque chose, j'ai un privilège, je suis responsable, je suis dirigeant, je suis ci, ça. Non, c'est une responsabilité, donc c'est quelque chose de difficile, de lourd. C'est une charge, c'est toi qui dois t'occuper des gens et veiller à ce qu'ils soient bien. Si tu ne le fais pas correctement, tu vas avoir des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça va être quelque chose de difficile pour toi si tu ne le fais pas correctement. Donc c'est pas comme aujourd'hui, les gens, subhanallah, c'est comme ils courent vers ça. Ils veulent avoir la position, ils veulent être responsables. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose que tu devrais avoir peur de le faire. Tu devrais fuir de ça. Tu devrais dire non, jamais de la vie, moi je ne veux pas être responsable. Je ne veux pas prendre la responsabilité. Hein? Tu devrais avoir peur de ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas ça. Parce que pourquoi ils disent, je veux avoir un gros salaire, je veux avoir un bon poste, un bon travail, beaucoup d'argent. Ils voient juste ce côté-là, mais ils ne voient pas l'autre aspect qui vient avec. Hein? Plus tu as des responsabilités, plus que tu as des comptes qui viennent avec. Donc le cheikh, il dit, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, donc il faut qu'il y ait, le cheikh dit, il faut qu'il y ait le conseil et la sincérité qui sont échangés entre le responsable et ceux qui sont sous sa charge. Il faut que les deux soient sincères l'un envers l'autre et se donnent le conseil les uns aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans le hadith, ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa ammatihim. فإذا تناصح كل من الوالي والرعية كان الصلاح واستقامت الأمور وعم الأمن. فإذا حصل الغش من الوالي حصل الفساد في الرعية واضطربت أحوالها وحصل من الأضرار الشيء الكثير بسبب إهمال الوالي واستوجب الوعيد الشديد. Donc le cheikh, il dit, si si tous les deux sont sincères, c'est-à-dire ils s'offrent mutuellement le bon conseil et la sincérité, le dirigeant et la population, le responsable et ceux qui sont sous la charge de ce responsable, ils s'entraident mutuellement et ils se donnent le conseil les uns aux autres, alors les choses vont aller bien, les choses vont être droites et le bien, la sécurité va être générale. Tandis que si l'un triche l'autre, le dirigeant triche la population et la population triche le dirigeant et ainsi de suite, alors les choses sont instables et il y a du mal qui va, beaucoup de mal qui va toucher aux gens et à tout le monde à cause de cette négligence et de ce mal de la part du dirigeant qui n'a pas pris sa responsabilité correctement, et il y a donc ici une menace sévère pour ça. Naam. Exactement. Le dirigeant, il sort du peuple, comme ils disent en français. Je ne sais pas si, je pense qu'à la base c'est français, mais ça donne un sens semblable. C'est que la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Hein? Quand la pomme, elle tombe, mais pas loin de l'arbre. Ça veut dire que si le dirigeant, il est d'une certaine façon, souvent c'est parce que il est le reflet de ceux qu'il dirige. Il est le reflet de ceux qu'il dirige. Donc les gens, ils ont le dirigeant qu'ils méritent. Si les gens sont injustes, c'est pas surprenant qu'ils aient un dirigeant qui soit injuste aussi. Et c'est ça que les gens oublient. Donc les gens, eux, ils ont tous les défauts du monde et ils sont injustes envers eux-mêmes et les uns envers les autres, puis ils souhaitent avoir le dirigeant le plus honnête et le plus juste au monde. C'est contradictoire dans ce cas-là. Hein? Donc le cheikh il dit wa qawluhu fil hadith ma min 'abdin yastar'ihi Allah. Et ça c'est quelque chose des fois on oublie. Comment tu veux exiger de quelqu'un de la perfection alors que toi-même t'es pas parfait? Toi-même, t'as des manquements et des défauts dans ces choses que tu veux exiger des autres. Donc ça, c'est pas juste, hein? Donc Allah al-Musta'an. Il dit wa qawluhu fil hadith ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alayhi al-jannah. Hada fihi anna Allah huwa alladhi يولي الولاة لأن كل شيء بقضاء الله وقدره فإن الولاة قد ولاهم الله قدرا وشرعا سواء الرعية اختارته أو هو استولى عليها فإنما هذا بقدر الله والله عز وجل شرع تولية الرعاة حتى لا تكون الأمور فوضى فلا بد من أن يقوم الوالي بما عليه من المهام. والرواية الثانية تبين الرواية الأولى وتوضحها. Donc on va expliquer ça. On va commencer par ce point. Le cheikh dit, il n'y a pas un serviteur à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une responsabilité, un poste de responsabilité, et qui meurt alors qu'il a triché contre ceux qui sont sous sa responsabilité et sa charge, excepté que Allah lui interdira le paradis. Il y a dans ça la preuve que celui qui donne le pouvoir, c'est Allah. C'est-à-dire que si quelqu'un est au pouvoir, c'est Allah qui l'a placé. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive est par le décret d'Allah et par sa prédestination. Et les dirigeants ou ceux qui sont dans une poste de gouvernance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis à cette place de gouvernance par sa prédestination et par sa législation aussi, par sa révélation aussi. Peu importe que il ait été choisi par la population ou bien par ceux qui sont ceux qui l'ont choisi, ou qu'il a été ou qu'il a pris le pouvoir parce qu'il a pris le pouvoir de force. Hein, il a conquis le pouvoir par lui-même. Dans tous ces cas-là, ça a été fait par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a légiféré qu'il y ait, l'établissement d'un responsable ou des dirigeants qui sont à la tête des gens et de la population. Pour que les choses ne soient pas chaotiques et désordres dans la société. Donc, il faut qu'il y ait un dirigeant. S'il n'y a pas de dirigeant, la société va être à l'envers. Tout le monde va vouloir faire n'importe quoi. فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ الْوَالِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمُهَامِ أو مِنَ الْمَهَامِ. Donc, il faut que le dirigeant fasse qu'est-ce qu'il a comme tâche et responsabilité. Et dans l'autre narration, il dit la deuxième narration explique la première. La deuxième narration explique la première. La deuxième, c'est à propos de la sincérité. Donc, s'il ne l'a pas fait avec sincérité et de façon honnête, il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Le cheikh il dit, وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْرِشِّ ضِدُّ النُّصْحِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَسُوسَ رَعِيَّتَهُ بِمَا يُصْلِحُهَا وَيَدْفَعُ عَنْهَا الضَّرَرَ. Nasiha, ça veut dire, parce que des fois les gens ils ont une difficulté à comprendre le terme nasiha, parce qu'on le traduit par le terme le conseil, alors que la nasiha c'est pas le conseil. Non, c'est ça, c'est pas le conseil. La nasiha c'est plus que ça, c'est plus que le bon conseil. Le bon conseil fait partie de la nasiha, mais c'est pas la nasiha. La nasiha, le bon conseil fait partie de qu'est-ce que signifie la nasiha, mais ce n'est pas la seule signification du terme nasiha. Nasiha, c'est beaucoup plus général que ça. Al-nasiha, ça implique la sincérité. Et ça implique de vouloir le bien pour l'autre. Et de vouloir faire qu'est-ce qu'il y a de meilleur et de mieux pour la personne. Donc, quand tu dis par exemple, je te donne la nasiha. Pourquoi tu donnes la nasiha à quelqu'un? Pourquoi tu donnes le bon conseil à quelqu'un? Parce que tu veux du bien pour cette personne-là. Tu veux pour cette personne-là ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour elle. C'est ça la nasiha. Parce que tu es sincère envers elle, dans ton cœur. Et tu souhaites pour elle le bien. C'est ça le sens de la nasiha. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la nasiha, c'est envers qui? Il a dit envers Allah. Est-ce que tu penses que la nasiha envers Allah, c'est de donner le bon conseil à Allah? Tu ne peux pas donner le bon conseil à Allah, c'est pas ça le sens. Ou envers son livre. Comment tu vas donner le bon conseil au livre, hein, au Coran? Ou comment tu vas donner le bon conseil à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, c'est d'être sincère. La nasiha dans ce sens-là, c'est d'être sincère envers Allah, d'établir son tawhid, hein, d'obéir à ses ordres, de s'écarter de ses interdictions. En fait, la nasiha, c'est la religion au complet. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ad-dinun nasiha ». La religion, c'est la nasiha. Donc, ça résume la religion en entier. Et c'est pour ça que, des fois, les gens, ils traduisent le terme, mais ils ne comprennent pas tout ce que ça implique, tout ce que ça signifie en réalité. Et donc il dit al-rish didd an-nush. An-nush, c'est an-nasiha. An-nush, c'est la sincérité, c'est de vouloir le bien pour l'autre. Et donc le cheikh il dit que l'obligation pour le dirigeant, c'est de bien gérer, hein, la gouvernance de ceux qui sont sous sa charge et de les diriger par ce qu'il y a de mieux pour eux et ce qui va les amener à ce qui est le plus bon pour eux et qui va repousser d'eux tout ce qui est mauvais et tout ce qui est mal. Hein? Donc, le dirigeant, en fait, il devrait être comme un père pour sa population. C'est-à-dire, ceux qui sont sous sa charge, il les traite comme un père traite ses enfants. Il veut pour ses enfants. Un père, il veut quoi pour ses enfants? Il veut qu'est-ce qu'il y a de mieux. Il ne veut pas voir ses enfants dans la misère. Il ne veut pas voir ses enfants dans le péché, il ne veut pas voir ses enfants dans le mal, il ne veut pas voir ses enfants dans la souffrance, il ne veut pas voir ses enfants dans l'ignorance, il ne veut pas voir ses enfants dans le crime, il ne veut pas voir ses enfants dans tout ce qui est mauvais. Et tout ce qui est mauvais pour eux, il veut les protéger. Le père, il protège ses enfants contre le mal. Le dirigeant, il doit protéger aussi sa population contre le mal aussi. C'est comme ça que le dirigeant musulman, il doit agir, il doit voir la situation de cette façon-là. Et donc le cheikh, il dit wa an la yasmah bi ayyi khalalin yadkhulu 'alayha. Fa ma'na qawluhu ra'in ay annahu mustahfaz. OK, mustahfaz 'ala hadhihi ar-ra'iyya. Il dit donc, le dirigeant, il ne doit pas accepter ou permettre qu'il y ait un problème quelconque qui entre sur sa population et ceux qui sont sous sa charge. Et c'est pour ça quand on dit la parole « ra'in », hein, comme on a dit tout à l'heure, le berger. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui doit préserver son troupeau. Le berger qui part avec son troupeau et il voit qu'il y a des loups qui rôdent autour de son troupeau. Est-ce que lui, le berger, il aime que un loup vienne prendre, attraper un de ses moutons pour partir avec, pour le manger? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout son possible pour protéger son troupeau, pour empêcher que, justement, son troupeau arrive quelque chose. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Soit qu'il tombe dans un trou, ou bien qu'il se font attraper par un loup, ou bien que, il ne trouve pas à manger ou des choses de ce genre, il va tout faire pour les protéger puis pour veiller à leur bien et les protéger du mal. Donc ça c'est l'attitude hein, du dirigeant, comment il doit agir. Et il dit وَأَنَّهُ مُسْتَحْفَظٌ عَلَى هَذِهِ الرَّعِيَّةِ. Et il dit فَقَدْ فُوِّضَ إِلَيْهِ رِعَايَتُهَا كَمَا يُفَوَّضُ الرَّاعِي لرعية الغنم فإنه لو تركها ولا يهتم بها لأكلتها السباع وهلكت فمن الغش أن يترك الناس وما يريدون. Donc le cheikh il dit c'est la même chose, il dit si quelqu'un il prend son troupeau hein, puis il s'en occupe pas, il laisse le troupeau à faire n'importe quoi, qu'est-ce qui arrive? N'importe quoi va lui arriver hein. Il va se faire manger par les bêtes sauvages, des moutons qui vont se perdre à gauche, à droite, donc il est responsable, on lui a chargé de s'en occuper, et donc il doit accepter cette responsabilité. S'il a accepté cette responsabilité-là, il doit tout faire pour faire en sorte que son troupeau reste entier et qu'il soit dans qu'est-ce qu'il y a de mieux. Donc il dit famin al-rish an yutraka an-nas wa ma yuridun. Il dit si tu laisses tout le monde dans ta population et ceux qui sont sous ta charge, tu laisses tout le monde faire ce qu'il veut, ça fait partie de manquer à ta responsabilité. Donc tu as triché dans ce cas-là parce que tu n'étais pas bien occupé de ta population et des gens qui sont sous ta charge et ta responsabilité. كما يطالب بهذا أو يطالب بهذا اليوم دعاة حرية الرأي والديمقراطية القائلين إن للمرء أن يقول ما يشاء ومنعه من ذلك فيه تقييد للحرية فهذا كلام باطل. هذا الكلام باطل لأنه يجب على ولي الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء ولا يفتح لهم المجال لنشر الآراء الفاسدة والأفكار الدخيلة وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم حتى يبين للناس ما أمرهم الله ببيانه. Donc le cheikh il dit donc si tu laisses tout le monde faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut, ça c'est comme de la tricherie. T'as manqué à ta responsabilité, t'as pas été sincère envers ceux qui sont sous ta charge. Et il dit, c'est comme ceux aujourd'hui qui appellent hein, à la liberté d'opinion et à la démocratie. Hein, en arabe, démocratie, ils disent démocratie. en arabe. Donc le cheikh dit, c'est ça que les gens qui appellent aujourd'hui à la liberté d'opinion et à la démocratie, qui disent, hein, la, chacun doit dire ce qu'il veut. Et si tu l'empêches de dire ce qu'il veut, ça veut dire que tu as restreint sa liberté, tu as limité sa liberté. Le cheikh dit ça, c'est une parole totalement fausse. Hein, et c'est totalement rejeté. Pourquoi? Parce que il est obligatoire dans l'islam pour le dirigeant de prendre la main de ceux-là qui veulent justement faire du désordre et propager des opinions corrompues dans la société et des idéologies infiltrées qui viennent de l'égarement. Puis toi, tu les laisses propager. Tu dis non, je laisse tout le monde libre. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut. Peut-être pour le dirigeant kafir ou bien pour les gens kuffar de penser comme ça, c'est normal. Mais pas pour le dirigeant musulman. Parce que le dirigeant musulman, il a une responsabilité devant Allah avant tout. Parce qu'au jour de la résurrection, ce dirigeant musulman, Allah, il va lui poser des questions, il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait avec ta population? Qu'est-ce que tu as fait avec ceux qui étaient sous ta charge? C'était ton troupeau, est-ce que tu t'en es occupé comme il faut ou non? Hein? Et c'est pas la mentalité des koufars, yani comment eux ils pensent. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup des musulmans dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, ils ont été influencés par les koufars et ils pensent comme eux et ils voient la vie comme eux, ils voient la politique comme eux, ils voient l'économie comme eux et ils pensent que le monde doit marcher comme les koufars l'ont décidé et comme les koufars l'ont voulu, c'est-à-dire selon le kufr. Ils réalisent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran comme une guidance pour l'humanité et que dans ce Coran il y a la lumière et la guidance pour les protéger de l'égarement et donc on doit vivre selon cette guidance et cette lumière, non pas selon l'égarement des égarés et l'ignorance qu'ils ont de la droiture et du droit chemin et donc les suivre dans ce chemin de l'égarement. C'est comme si, comme on dit, toi tu es voyant, tu as tes deux yeux, puis il y a un aveugle qui vient te voir puis qui dit suis-moi, puis toi tu le suis. Ça, c'est de l'égarement total. C'est toi qui vois. T'as tes deux yeux, tu vois bien. Puis tu suis quelqu'un qui est aveugle, qui s'en va vers le feu de l'enfer, tu le suis vers son chemin, comme s'il a l'air de savoir où est-ce qu'il s'en va. Il a l'air de savoir où il s'en va, mais il sait pas où il s'en va. Et toi, tu le suis. C'est ça l'exemple du musulman qui suit le kafir dans l'égarement. Parce qu'il pense que, bon, il a l'air d'être plus avancé technologiquement, d'avoir un développement scientifique, d'avoir plus de biens. Donc, s'il a matériellement, il est plus à l'aise. Donc, ça veut dire qu'il sait qu'est-ce qu'il fait? Pas du tout. Il sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait. Hein? Ils savent des choses de la dunya, mais quand il vient à qu'est-ce qui a rapport avec la guidance et la foi, il est complètement perdu. Et toi, tu le suis? Donc, ça, c'est de l'égarement. Hein, superposé, hein. C'est des ténèbres par-dessus des ténèbres par-dessus des ténèbres. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, il est obligatoire pour le dirigeant de prendre ces gens-là par la main et de ne pas leur donner la possibilité de propager leurs idées corrompues et leurs pensées corrompues parmi les gens. Et cela, ça revient aux hommes de science de clarifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné et d'expliquer ça aux gens. C'est ça que le cheikh a dit ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain chapitre demain bi'idhnillah. Et on voit ici qu'il y a des points mashallah très très bénéfiques à comprendre pour les musulmans. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ya Abu Dhar, ya Abu Dhar, je te vois faible. Et c'est une amana, c'est-à-dire c'est une responsabilité, c'est un dépôt que au jour de la résurrection sera une source d'humiliation et de regret, excepté pour celui qui l'a pris de façon avec justice et qui lui a donné son droit. Hein, et qui a remis le dépôt à celui à qui ce dépôt-là revenait. Donc c'est ça la signification. Puis c'est ça qu'il a, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette personne, à ce sahabi radiallahu anhu, Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, un des grands sahaba, un des grands parmi les sahaba, très très pieux. Abu Dharr, et na'am, très pieux. Vous connaissez pas l'histoire de Abu Dharr avec Salman? Non, il n'habitait pas avec lui, mais Salman est venu le visiter. C'était un de ses amis. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer l'histoire rapidement comme ça. Abu Dharr est venu frapper à la maison de Salman. Et ça, c'était avant la révélation du hijab et tout. Il est venu, il a frappé à la porte, il a vu la femme de Salman. Il a dit à Salman, il a dit à la femme de Salman, plutôt Salman a dit à la femme de Abu Dharr, qu'est-ce que tu as, je te vois toute négligée comme ça, comme si tu n'as pas des beaux vêtements, tu n'as pas des, hein, tu as des vêtements plus, comme, pas bien et tout. Alors elle a répondu, elle a dit, ton frère Abu Dharr, il n'a pas d'intérêt pour les choses de la vie, la dunya et des choses comme ça, donc il me délaisse d'une certaine façon. Alors il a compris qu'il y avait un problème. Alors il est allé voir Abu Dharr, il dit, accueille-moi chez toi, hein? Invite-moi chez toi, je veux passer la nuit. Alors Abu Dharr a dit ok, d'accord. Alors il est venu chez lui, puis il s'est levé pendant la nuit pour prier au début de la nuit. Abu Dharr, Salman lui a dit, dors. Alors il a dormi. Il s'est levé la moitié de la nuit. Salman lui a dit, dors, couche-toi. C'est trop tôt encore, dors encore. Il a dormi. Il s'est relevé vers un tiers de la nuit, à la fin, le dernier tiers de la nuit. Il a dit, maintenant tu peux te lever. Là, il a prié. Après, le lendemain, après qu'ils ont prié le Fajr et tout, le lendemain, le matin, c'était le temps de manger, le déjeuner et tout. Alors, Abu Dharr a servi de la nourriture à Salman. Alors, Salman, il commence à manger et il voit que Abu Dharr, il ne mange pas. Il dit, Abu Dharr, mange. Il dit, non, moi je jeûne, mange-toi. Et Salman lui dit, je ne veux pas manger jusqu'à ce que tu manges. Alors il a été forcé de manger avec lui. Et après il lui a dit, Ya Abu Dharr, Ya Abu Dharr, sache que yani, ta femme elle a un droit sur toi. Tes frères ont un droit sur toi. Et ton corps même il a un droit sur toi. Et quand il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après, par la suite, pour dire, ô messager d'Allah, Salman est venu chez moi, il m'a fait ça, il m'a dit ça et tout et tout. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce qu'il a dit, il a eu raison. Ton frère Salman, il a raison. C'est lui Abu Dharr. C'était un sahabi très pieux, très très pieux, hein? Mais en même temps, hein, il lui a appris que il faut donner à chaque chose et à chaque personne ses droits. Ton Seigneur, il a des droits sur toi. Et ton corps même, il a des droits sur toi. Subhanallah. Ton épouse, elle a des droits sur toi. Tes frères, ils ont des droits sur toi. Chacun, il a des droits. Donc, il faut savoir comment donner à chacun le droit qu'il a. Hein? On va s'arrêter avec ça, Inch'Allah. Puis, on commencera l'autre cours dans quelques instants, Inch'Allah. On va prendre 5-10 minutes de pause. Puis on va faire l'introduction au fiqh tout de suite après, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.